L'académicien cambriolé par Frédéric Mauzins. Réveil difficile. Monsieur Ferdinand Marin, historien, membre de l'Académie française, souleva son long buste voûté, sortit des draps ses grandes jambes et posa ses pieds sur l'épaisse peau d'ours taillée en descente de lit. La pendule sonnait 6 heures et la lumière d'un clair matin de mai filtrait à travers les rideaux. Il fallait travailler. L'écrivain, d'un dernier effort, se mit debout, drapa sa haute taille dans une ample robe de chambre bleue à brandebourgs rouges, chaussa des babouches, passa ses doigts dans ses cheveux blancs emmêlés et marcha vers la porte du cabinet de travail d'un pas traînant. Il dormait encore un peu. La porte ouverte, il crut dormir tout à fait et rêver. Les papiers qu'il avait laissés la veille au soir étalés sur son bureau avaient disparu. L'encrier de jaspe rouge monté en bronze n'était plus à sa place. 2 candélabres en argent et une pendule Louis XVI avaient quitté la cheminée dont ils étaient l'ornement. Et les 4 murs de la pièce n'avaient plus que les clous auxquels avait été accroché un cartel, des tableaux de maître et une panoplie d'armes ayant appartenu à des héros de l'épopée napoléonienne. M. Marin frotta ses yeux bouffis de sommeil, regarda de nouveau et leva les bras au ciel. Il revint à son lit et sonna, d'un doigt frémissant, à plusieurs reprises. Puis il sortit et alla jusqu'à l'escalier. Le valet de chambre, à moitié habillé, descendait en toute hâte. « Louis, » dit M. Marin d'une voix étranglée, « on a cambriolé mon cabinet. » Le domestique s'arrêta net, un pied sur le palier, l'autre sur la dernière marche. Les 2 hommes, un peu pâles, se regardèrent silencieusement. Soudain, une pensée traversa l'esprit de l'historien. Il dégringola l'escalier 4 à 4 et se précipita dans le grand salon. Le valet de chambre le suivait. La lumière que laissaient passer les persiennes de fer suffisait pour qu'on pût voir les murs veufs de leurs tableaux et de leurs tapisseries. « Ah !» firent ensemble le maître et le serviteur. Du grand salon, ils passèrent dans le petit. Les murs étaient également nus. Plusieurs meubles, dont 4 fauteuils, marquaient. Une vitrine à bibelot était vide. Le buste de la princesse Pauline, par Houdon, n'était plus sur son socle. Les chenets Louis XV en bronze doré avaient déserté la cheminée. Sous un globe, un écrin était ouvert, et il n'y restait que l'étiquette, pistolet d'arçon que l'empereur avait dans ses fontes de sel à la bataille d'Austerlitz. M. Marin s'assit et Louis s'appuya contre un bahut. Ce moment de faiblesse passé, ils donnèrent l'alarme, et bientôt l'hôtel fut en révolution. Marguerite, la femme de chambre de Madame Marin, le maître d'hôtel, le cocher, le cuisinier et son aide, le concierge et sa femme, tous couraient, avec l'académicien et Louis, inventoriant les objets enlevés, téléphonant au commissariat de police, cherchant les traces des voleurs et discutant. « Ici aussi il manque quelque chose !» cria le maître d'hôtel en entrant dans le billard. « Et ici donc ?» cria le marmiton en ouvrant la fenêtre du fumoir qui donnait sur la cour. « Oh !» reprit-il, « une vitre a été coupée !» Première constatation. On s'empressa de ce côté. Un morceau de vitre avait en effet été détaché à l'aide d'un diamant. « Voyez, voyez !» fit la concierge. Elle montrait les persiennes dont le fer s'était plié en 2 endroits sous la pression d'une pince. Le cocher, qui était dans la cour, s'approcha. « Le mur était raflé !» constata-t-il. Ceux qui étaient à la fenêtre se penchèrent pour voir. « Ils l'ont raflé avec leur échelle !» dit la femme de chambre. « Leur échelle ! Est-ce que les cambrioleurs ont besoin d'une échelle pour atteindre un rez-de-chaussée surélevé ?»« C'est un soulier qui a fait ça !» Un soulier ou un meuble qu'on descendait. Louis était sorti devant l'hôtel. Il rentra dans la cour en agitant quelque chose de luisant. « Sur le trottoir » répétait-il. « C'était sur le trottoir. Quoi donc ?» demanda M. Marin. Puis il poussa une exclamation douloureuse. L'objet était un morceau de porcelaine tendre de Sèvres. Les cambrioleurs, en fuyant, avaient écorné un plat à barbe, décoré par Uni, que M. Marin s'était laissé aller à payer plus de 6 000 francs. « Quel meurtre !» prononça l'académicien d'une voix profonde. À ce moment, le commissaire de police de la plaine Monceau fit son entrée. M. Marin conduisit le magistrat devant le grand salon, répondit à ses questions, présenta les domestiques, qui furent à leur tour interrogés, et fit visiter les pièces cambriolées. Le chef de la sûreté arriva ensuite avec l'inspecteur principal des Pujols et le brigadier Galichère. M. Marin, qui était allé faire sa toilette, reparut tout de noir vêtu, le veston déboutonné, la cravate lavalière nouée avec une négligence étudiée, les moustaches et la barbiche blanche artistement en désordre. le haut fonctionnaire du Quai des Orfèvres posa les questions déjà posées par le commissaire et reçut les mêmes réponses. Le cocher, dont la chambre était au-dessus de l'écurie et donnée sur la cour, n'avait rien entendu. Les autres domestiques, qui couchaient tout en haut de l'hôtel, chacun dans sa petite chambre, n'avaient rien entendu. Les concierges non plus. « Et vous, monsieur Marin ? Pas davantage. J'ai d'ailleurs le sommeil assez lourd. Madame Marin, elle, l'a léger. Et cependant ? Mais elle est à Aix, près d'une parente malade. Ah, alors ? Vous êtes sûr, monsieur ? Demanda l'inspecteur principal des Pujols, qu'on n'a rien pris dans quelque autre pièce ? Si vous voulez, nous allons les visiter toutes, répondit l'académicien. On passe la revue des bibelots. Les policiers, sous la conduite de M. Marin, tous explorèrent une dernière fois les deux salons, le billard et le fumoir, notant une à une, avec leur signalement exact, les choses disparues dont la liste devait être communiquée aux marchands d'antiquités et brocanteurs. Ils montèrent au premier, firent de nouveau le tour du cabinet de travail et inscrivirent ce qui en avait été enlevé. L'académicien les introduisit ensuite dans sa chambre et dans celle de Madame Marin. Rien n'y manquait. Ils revinrent dans le vestibule. « Voici la salle de bain, » dit l'académicien en ouvrant une porte. « Ceci est une chambre à coucher, » continua-t-il en ouvrant une autre porte. « Tout y est à sa place. De ce côté, on trouve ma bibliothèque. Ni les livres ni les meubles n'ont été touchés. » Le chef de la sûreté, ses hommes et le commissaire entraient et ressortaient avec le maître de la maison. « Cette pièce, enfin, est celle d'une pièce de débarras. » Les policiers jetèrent un coup d'œil dans la pièce obscure où s'entassaient des meubles hors d'usage et des malles sous de vieux tapis qui les préservaient de la poussière. « Passons au deuxième étage, » reprit l'académicien. Là étaient deux chambres à coucher et la lingerie. Leur visite ne donna aucun résultat. Comme ces messieurs redescendaient, le téléphone sonna dans le cabinet de travail. M. Marin alla à l'appareil. « Allô ? Quoi ? Du commissariat de police de la plaine Monceau ? Bien ?» Il appela. « Monsieur le commissaire !» Le fonctionnaire courut à l'appareil. « Allô ? Oui ? Comment ? Allô ? Au coin de la rue Jouffroy et de la rue de Lévis ? Ne coupez pas, mademoiselle. Hein ? Je suis le commissaire du 17e. À la bonne heure. Allô ? Envoyez le pied. » Le fonctionnaire raccrocha les récepteurs. On s'était groupé autour de lui. On m'avise du commissariat que ce matin à 6 heures, le concierge du 29 de la rue Jouffroy a trouvé devant sa porte, dans le ruisseau, un pied de fauteuil doré et finement sculpté. Ah, voici la presse. Des journalistes faisaient leur entrée. Un juge d'instruction, M. Duchesne, les suivait de près. Puis des amis de l'académicien se succédèrent. Une file de voitures s'allongeait dans la rue. Des curieux, refoulés par les agents, se massaient sur le trottoir d'en face. Le bruit courait qu'il avait été volé pour plus d'un million d'objets, sans compter des autographes inestimables et le manuscrit du prochain ouvrage de l'historien. Les appareils téléphoniques de l'hôtel marchaient sans interruption. De partout, on demandait des nouvelles. Enfin, un agent cycliste arriva avec le pied doré. C'était bien celui d'un des 4 fauteuils du petit salon. Les cambrioleurs étaient passés rue Jouffroy. Cela était établi. Mais ce fut tout ce qu'on put établir. Et 2 jours après, l'enquête n'avait pas fait un pas de plus. L'historien et le psychologue. La police du monde entier a le signalement du moindre des objets, disait Ferdinand Marin à M. Tarbes, qu'il avait fini par aller chercher. Les deux hommes étaient assis dans le cabinet de travail de l'académicien. Le valet de chambre apportait sur un plateau un confortable 5 o'clock composé de sandwichs, de petits fours, de crackers, de thé et de vin d'Espagne. En Amérique et même en Australie, partout les marchands de curiosités ont été prévenus, continua M. Marin. Un verre de Porto ? Une tasse de thé ? Le psychologue ne répondit pas. Il suivait des yeux Louis qui se retirait sans bruit. Du Porto ou du thé ? Répéta l'académicien qui, cette fois, accompagna sa question d'une légère tape sur le bras du penseur. « Oh, pardon, du thé. » « Sans doute, » dit M. Marin en emplissant une tasse, « depuis 1 heure seulement que vous vous occupez de l'affaire, il vous est difficile de savoir grand-chose, mais enfin... »« Ce garçon a une bonne figure, » interrompit M. Tarbes. « Quel garçon ?»« Celui qui sort d'ici. Louis, oui, il est très dévoué. »« Sa santé n'a pas l'air fameux. »« Je ne l'ai jamais vu malade. Il est des plus robustes. » »« En montant l'escalier tout à l'heure, » j'ai croisé une petite brunette, fort gentille. C'est Marguerite, la femme de chambre. Louis doit justement l'épouser dans quelque temps. Un sandwich ? L'académicien poussait l'assiette au sandwich vers M. Tarbes et se versait à lui-même du porto. « Oui, » reprit-il en trempant un biscuit dans son verre, « je disais que vous ne pouviez guère déjà être fixé. Mais enfin... M. Tarbes !» Le psychologue trempait un sandwich au foie gras dans sa tasse. À ce moment, on frappa discrètement à la porte. Louis parut avec une carte. « Prosper Pluvinard, 32 rue de Lévis, » lut M. Marin. « C'est un monsieur qui dit venir pour le cambriolage, » murmura Louis. « Qu'il entre !» L'académicien posait son verre et M. Tarbes le sandwich humecté de thé. La mission de Prosper Pluvinard. Le valet de chambre introduisit un personnage en redingote et cravate noire, petit, menu, se dressant avec importance et portant haut une tête que de courts favoris bruns, un lorgnon et des rides profondes, vieillissait et enlaidissait. Il pouvait avoir 30 ans, mais à première vue, il en paraissait 40. De sa main droite, il tenait un haut de forme, et de la gauche, une valise. Il s'inclina très bas, posa la valise et s'assit. M. Marin s'était soulevé poliment et avait indiqué une chaise. « Maître, commença le visiteur d'un ton solennel, je suis chargé d'une mission aussi délicate qu'extraordinaire. Voyons, monsieur. Je suis avocat consultant et dirige, rue de Lévis, une maison de contentieux. C'est d'ailleurs moi qui l'ai fondée. Vous êtes agent d'affaires ? Parfaitement. Hier, quelqu'un est venu me dire « Je suis un des cambrioleurs de l'hôtel Marin. Mes camarades et moi vous prions d'aller trouver de notre part l'illustre historien. Vous lui offrirez de racheter ce que nous lui avons pris. Nous vous donnerons 5%. » Les yeux de M. Marin s'étaient arrondis. Xavier Tarbes restait impassible. Son cerveau travaillait. Ce Pluvinard était une nouvelle donnée du problème. L'agent d'affaires, gourmé, continuait avec des gestes d'avocat à la barre. Je refusais, naturellement, et dans mon indignation, mis la main au collet du scélérat. Mais le secret professionnel m'empêchait de le livrer. Au moins pouvais-je le mettre à la porte. C'est ce que j'allais faire quand il insista. Êtes-vous choqué de ce que nous vous proposons une commission? Nous ne demandons pas mieux que de ne rien donner. Chargez-vous de l'affaire gratuitement et dans le seul intérêt de M. Marin. L'homme avait trouvé les mots qu'il fallait dire. Je n'acceptais cependant point encore. Mon rôle pouvait si facilement être mal interprété. De longues heures passèrent dans l'hésitation. Enfin, ce matin, je me suis décidé. Le cambrioleur dont j'avais l'adresse se mit de nouveau en rapport avec moi, et me voici, maître. Brigandage moderne style. L'académicien ne disait rien. L'accent prétentieux de Prosper Pluvinard, ses mouvements oratoires de mauvais goût, sa figure qu'on eût dit celle d'un forçat grimé et costumé en homme de loi, enfin son audace, tout cela l'abasourdissait. Il se leva. La jeune affaire en fit autant. Xavier Tarbes les imita machinalement. Bien que voûté par l'étude, l'historien et le philosophe dépassaient de la tête Prosper Pluvinard, qui cependant se tenait bien droit, la tête légèrement en arrière, ne perdant pas un millimètre de sa taille. « Eh bien, cher maître, » reprit d'un air à la fois respectueux et dégagé l'avocat consultant de la rue de Lévis. « C'est un peu fort, » murmura Ferdinand Marin, retrouvant enfin la parole. Il regarda M. Tarbes. « Ce sont des objets volés que vous avez là ?» demanda celui-ci à l'agent d'affaires en montrant la valise. « Parfaitement. Et vous voulez me les rendre ?»« Vendre ?» fit l'académicien à qui les mots ne venaient pas bien. « Oui, maître. » Et Pluvinard, se penchant, commença à déboucler la valise. « Qu'en dites-vous ? » demanda l'académicien à M. Tarbes. « C'est très intéressant, » dit simplement le psychologue. « Intéressant ? Vrai, vous en avez de bonnes. Ah ça, mais... » continua Ferdinand Marin en s'adressant à l'agent d'affaires. « Que diriez-vous si je vous faisais arrêter ?» Pluvinard se redressa. « Vous commettriez une injustice aggravée de la plus noire ingratitude ? Vous en seriez d'ailleurs bien puni. Les objets dérobés sont en lieu sûr. Il vous faudrait vous contenter de la demi-douzaine de ceux que je viens d'apporter. Les autres sera jamais perdu pour vous. Les cambrioleurs exigeraient peut-être même ma mise en liberté, et pour la hâter, ils briseraient chaque jour un de vos bibelots, dont la poste vous apporterait quelques menus fragments. » La face de l'académicien prit une teinte pourpre sur laquelle ses cheveux, ses moustaches et sa barbiche se détachaient en blanc de façon pittoresque. Il passa deux doigts entre son col et sa cravate et desserra celle-ci qui l'étouffait. « Voyons ce que vous avez, » dit-il avec effort à Pluvinard. L'agent d'affaires acheva de déboucler les courroies de sa valise, l'entr'ouvrit et en tira un paquet enveloppé dans des journaux. Il déplia ces derniers et le plat à barbe décoré par une y apparut, largement ébréché. Ferdinand Marin s'en empara, le tourna, le retourna et le fit sonner d'un coup de son index. « Le morceau qui manque, dit-il à M. Tarbes, est celui trouvé sur le trottoir devant l'hôtel. « C'est une belle pièce, dit Prosper Pluvinard. Elle vaut bien 6 000 francs. Je l'ai payée 6 400, laissa échapper l'académicien. « Cette fois-ci, reprit l'agent d'affaires, vous ne la paierez que 3 200. « Hein ? 3 200, répéta Pluvinard. Il tirait de la valise et défaisait un nouveau paquet. Sous pierre ovale avec couvercle à médaillon de fleurs sur fond vert, annonça-t-il du ton d'un commissaire-priseur. L'académicien saisit la soupière et l'inspecta. Elle était intacte. « On vous la donne à 2 000, ajouta l'agent d'affaires. « Comment ? 2 000 ? » L'agent d'affaires replongea sa main dans la valise. Il sortit successivement et posa sur le bureau de l'historien, près des 2 pièces de porcelaine, une paire de candélabres en argent ciselé, une pendule Louis XVI, une boîte en cristal de roche montée en or et une liasse d'autographes. Ferdinand Marin palpait les objets l'un après l'autre. Ses mains tremblaient. Sa figure exprimait la colère et la joie portée à leur comble. M. Tarve s'était assis et buvait son thé à petits coups en réfléchissant. « En voilà pour 25 000 francs, dit l'agent d'affaires en refermant sa valise. « On vous laisse le tout pour 12 000. « Et vous croyez que je vais vous donner 12 000 francs ? Certainement, sans quoi je ne vous apporterai plus rien. » D'abord, ce prix est ridiculement exagéré. La pendule, maître, interrompit Pluvinard, ne marchandez pas. Ou gardez tout sans rien débourser. Mais dans ce cas, l'affaire en restera là. M. Marin tourna sur lui-même, comme pour chercher une issue à la situation. C'est à prendre ou à laisser, ajouta Pluvinard. À prendre ou à laisser, répéta l'académicien en arrêtant son regard désespéré sur M. Tarbes. « Prenez, dit tranquillement le philosophe. « Allons, fit M. Marin, accablé. Et quelques minutes après, l'avocat consultant, sa valise à la main, s'inclinait avec respect et dignité, promettait de revenir le lendemain et s'en allait, escorté jusqu'au perron par le fidèle Louis. Il emportait un chèque de 12 000 francs. Renseignements confidentiels, recherches intimes, enquête. C'était le lendemain, vers 9 h du matin. Assis dans un fauteuil de moleskine rouge, Prosper Pluvinard lançait avec emphase. Le personnel, expérimenté et de toute probité, attaché à la maison, est un surgarant de l'absolue discrétion avec laquelle nous traitons les affaires. Le client, un vieux monsieur à mine respectable, dit d'un air honteux. « C'est que, vous comprenez, je ne voudrais pas qu'on sût. » L'avocat consultant, d'un geste large, montra les cartons verts dont était tapissé le cabinet. « Il y a ici 10 000 secrets que j'emporterai dans la tombe. » Il prononça dans la tombe. L'accent de Bordeaux, sa ville natale, lui revenait parfois. Le vieux monsieur se levait en disant « Je vous enverrai les papiers. »« Entendu. N'oubliez pas mon adresse. » Et l'agent d'affaires, reconduisant son client à la porte, lui donnait une carte sur laquelle on lisait « Prosper Pluvinard, avocat consultant. » Renseignements confidentiels, recherches intimes, projet de mariage, infidélité, séparation de corps, documents pour divorce au moyen de surveillance, filature de jour et de nuit, enquête sur les employés infidèles des deux sexes, sur personnes disparues, dissipateurs, etc. Mission secrète en tout genre. 15 rue du Lévis, Paris. Prosper Pluvinard avait à peine repris place devant son bureau qu'un nouveau visiteur sonnait. Il alla ouvrir. Un grand monsieur décoré entra. Il était suivi d'un homme trapu et fortement moustachu. « Monsieur le chef de la sûreté ? » fit Pluvinard sans s'émouvoir. « Monsieur le brigadier Galichère ?» Les policiers traversaient l'antichambre et entraient dans le cabinet. « Je vois qu'il est inutile de nous présenter, » dit le chef de la sûreté. « Vos figures, messieurs, sont si populaires. Qui ne les connaît ?»« C'est bon, » continua le haut policier. « Si nous ne connaissions pas la vôtre, nous connaissions du moins son propriétaire. » Il y a quelque temps, une plainte a été déposée contre vous, et elle a été bientôt retirée, par crainte d'un scandale, mais non sans qu'une enquête ait édifié la police sur votre compte. J'ai tout lieu de croire, commença l'agent d'affaires en redoublant de dignité. C'est bien, vous dis-je, interrompit le chef de la sûreté, puisqu'on sait qui vous êtes. Prosper Pluvinard, lauréat de la faculté de droit de Bordeaux. Premier prix de procédure civile, premier prix d'instruction criminelle, deuxième prix de droit romain. Continua l'agent d'affaires avec une modestie affectée. C'est cela. Puis, avocat remarqué, dès ses débuts, remarqué sinon pour son éloquence, un peu ampoulée, je cite le rapport du commissaire central de Bordeaux, du moins pour son habileté. Vous en remontriez au plus retors de vos vieux confrères. Une grosse faute professionnelle vous a fait rayer par le conseil de l'ordre. Ne pouvant vous faire inscrire à aucun autre barreau, vous êtes venu à Paris et avez monté cette officine. La perquisition. Pluvinard avait pris un air offensé. Du moment, monsieur, que vous le prenez sur son tombe, je n'ai qu'à me taire, dit-il. Vous avez aussi à ouvrir vos armoires, dit à son tour le brigadier. Une perquisition, s'écria l'agent d'affaires. Ni plus ni moins, c'est indigne. Allons, messieurs, tant que vous y êtes, arrêtez-moi. Je vous prie de croire, mon gaillard, que ce serait déjà fait si j'étais le maître, déclara le chef de la sûreté. Mais le parquet et le juge ont promis à M. Marin de vous laisser en liberté. M. Marin se conduit bien mal. Il ne pouvait guère ne pas faire connaître au magistrat votre visite. Et il a supplié qu'on ne vous envoyait point séance tenante au dépôt. C'est déjà joli. Vous trouvez? Oui. Et si l'illustre académicien n'était pas l'homme influent que vous savez, on eût passé outre, croyez-le bien. Et Galichère ici présent aurait la satisfaction de vous mettre le cabriolet en attendant que nous coffrions le reste de la bande. Tout en parlant, le policier s'était mis à fouiller dans les tiroirs du bureau. Son subordonné ouvrait les cartons verts et en bouleversait les papiers. Puis ils passèrent dans la chambre de l'agent d'affaires. Prosper Pluvinard les suivit. Il continuait à se répandre en protestation. « Fermez ça !» lui dit Galichère, qui s'exprimait souvent avec vulgarité. « Fermez donc ça et ouvrez ceci !» Il montrait une armoire à glace en noyer. L'avocat consultant tira une clé de sa poche et ouvrit. Le brigadier poussa un cri de triomphe auquel le chef répondit par un soupir de satisfaction. Le haut policier prit dans son portefeuille la liste des objets volés chez Ferdinand Marin et marmotta en regardant tour à tour au fond du meuble et sur le papier. Une paire de chenets en bronze doré du temps de Louis XV. Un livre d'heures, manuscrit français du XVe siècle, en caractère gothique orné de 21 miniatures et de 14 enluminures. Une paire de pistolets d'arçon que l'empereur avait dans ses fonds de sel à la bataille d'Austerlitz. Un reliquaire du XIVe siècle en argent et or émaillé avec incrustation de pierres précieuses. Une petite tapisserie des Flandres du XVIe siècle figurant sur fond bleu deux anges supportant un globe céleste. Un encrier de jaspe rouge monté en bronze, c'est bien ça. Voyons ailleurs, dit le brigadier. Et la perquisition continua. Tous les meubles de chaque pièce furent visités. Les murs et les planchers furent examinés. Galichère finit par découdre les matelas et le sommier du lit de Pluvinard, mais on ne fit aucune nouvelle trouvaille. Depuis la découverte des bibelots de l'armoire, l'agent d'affaires restait silencieux, les lèvres pincées. Galichère descendit porté dans un fiacre qui attendait les chenets, les pistolets et le reste, puis il remonta. « Où sont les autres objets ?» demanda le chef de la sûreté à Pluvinard. « Je me suis confié à M. Ferdinand Marin. Il a trompé cette confiance. Je ne tromperai pas à mon tour celle des gens qui ont eu foi en moi. »« Suffit, suffit !» dit Galichère. « C'est pour la forme que je posais la question, » dit le chef de la sûreté. « Au revoir !» Et les deux policiers, suivis de Pluvinard froidement cérémonieux, gagnèrent la sortie. La filature. Une fois seul sur le palier, ils se concertèrent. Et cinq minutes après, le concierge, mis au courant, installé Galichère dans un appartement dont la porte faisait vis-à-vis à celle de Pluvinard. Il était justement alloué et vide. « Regardez par le trou de la serrure, » prescrivit le chef à son subordonné. « Je vais vous envoyer un inspecteur. Vous vous relayerez. Tâchez d'y voir clair. Soyez tranquille, chef. On aura l'œil et le bon. » Le brigadier s'installa à son poste. Au bout d'une heure environ, arriva l'inspecteur. « Le patron t'a expliqué la besogne ?» demanda Galichère. « Oui. Bon. » « Silence !» La porte de Pluvinard s'ouvrait. L'agent d'affaires parut. Il avait sa valise. « Voici notre homme !» reprit le brigadier à voix basse. « Il va sans doute chercher des bibelots. Je n'ai qu'à le filer pour découvrir la cachette. Tu vas rester ici en observation. Bien ?» Pluvinard descendait. Galichère passa sur le palier, laissa prendre à l'agent d'affaires une certaine avance, puis descendit derrière lui tout doucement. Quand le policier se trouva dans la rue, Pluvinard montait dans un taximètre. Il avait déjà donné l'adresse au cocher. La voiture partit. Un autre taximètre passait. Galichère y sauta. « Suivez ce fiacre » ordonna-t-il. et il s'assit de manière à être caché par le cocher si Pluvinard se retournait. Les deux véhicules, l'un derrière l'autre, remontèrent la rue de Lévis et prirent le boulevard de Courcelles. Ils traversèrent le boulevard Malesherbes, longèrent le parc Monceau et tournèrent rue de Vigny. Galichère étouffa un juron. On allait rue Murillo. « Mais alors, pourquoi cette balise ?» murmura le brigadier. Les fiacres firent halte devant chez M. Marin. Galichère, troublé, avait oublié de faire arrêter le sien à quelque distance. Pluvinard vit le policier et affecta de ne pas le regarder. Les deux hommes traversèrent en même temps la cour de l'hôtel. Le valet de chambre parut sur le perron et les introduisit dans le vestibule. « Puis-je voir M. Marin ?» demanda Pluvinard. « Monsieur a dit qu'il serait toujours là pour vous. » Pluvinard se dirigea vers l'escalier. Galichère fit de même. « Est-ce que votre maître a dit qu'il serait également toujours pour monsieur ?» L'agent d'affaires montrait Galichère. « Non, » dit le domestique. « Je suis brigadier de la sûreté, » dit Galichère. « N'importe, » reprit Louis, « il faut que je vous annonce. Une seconde, je vous prie, monsieur. » Galichère resta seul au pied du monumental escalier. Presque aussitôt, le valet de chambre reparut, penché par-dessus la rampe au premier étage. « Voulez-vous venir ?» Galichère monta. Louis le précéda et ouvrit la porte du cabinet de l'académicien. « Persuadé, cher maître, que vous ne partagez point ces absurdes soupçons, sans quoi rien ne m'eût décidé à remettre les pieds ici. » Pluvinard finissait un discours à l'adresse de Ferdinand Marin. L'académicien se mordait les lèvres et dévorait des yeux la valise. Xavier Tarbes était là. Mais il n'écoutait que d'une oreille les propos de Pluvinard. Une discussion s'était élevée entre lui et l'historien sur un point de sociologie, et il la continuait intérieurement. « Enfin, questionna Ferdinand Marin, qu'avez-vous apporté ?»« Vous allez voir, » répondit l'avocat consultant. Le sang bruissa aux oreilles de Galichère. Pluvinard avait donc apporté quelque chose. L'agent d'affaires ouvrit sa valise et reprit. « Voici une aiguière et un bassin en argent doré ayant appartenu à Napoléon. Voici un petit fragonard qui vaut 1000 fois son poids d'or. J'entends le poids de la toile et du cadre. Voici. » Galichère s'oublie. Le brigadier lâcha un juron formidable. Pluvinard s'interrompit, d'un air scandalisé, et l'académicien sursauta. M. Tarve, qui n'avait pas entendu, hocha la tête approbativement. « Que signifie ?» demanda Ferdinand Marin au policier. Mais celui-ci était déjà hors du cabinet. En trois bonds, il descendait l'escalier et, retraversant la cour, se précipitait chez le concierge. Il s'emparait du téléphone et, en communication avec le service de la sûreté, racontait au chef ce qui s'était passé. Une heure après, le chef, assisté de Galichère, de l'inspecteur resté sur les lieux et de l'inspecteur principal des Pujol, terminait une nouvelle perquisition dans l'appartement de Pluvinard. La femme de ménage, qui venait tous les matins, avait ouvert aux policiers. Ceux-ci l'avaient longuement interrogé, sans rien en tirer d'intéressant. Ils avaient aussi interrogé de nouveau le concierge, qui de nouveau avait répondu « Tout ce que je puis vous dire, c'est que le jour du cambriolage de M. Ferdinand Marin, on a apporté chez M. Pluvinard plusieurs paquets très volumineux. » Le chef de la sûreté, avant de se retirer, descendit à la cave de l'agent d'affaires et en fit sonder les murs et le sol. Puis il partit, en laissant dans l'appartement vide, Galichère et l'inspecteur sous le commandement de Despujol. À la même heure, Pluvinard quittait l'hôtel Marin avec un chèque de 15 000 francs et Xavier Tarbes disait à l'académicien « Vous savez, votre cache-pot en ancienne porcelaine tendre de Vincennes, cette pièce presque unique ?»« Il n'y a en effet que le banquier Lehrmann qui possède l'appareil. »« Vous me l'avez déjà dit. Eh bien, je vous l'apporterai ce soir. »« Vous savez où il est ?» s'écria Ferdinand Marin. « Mais faites comme si je ne vous avais rien dit, pas un mot. »« Oui, et le reste ?»« Le reste viendra plus tard. » Les planches et le foin. Vers 3 heures de l'après-midi, les policiers aux aguets dans l'appartement vide redoublèrent d'attention. Deux hommes, chargés de planches, sonnaient à la porte de Pluvinard. Ils entrèrent chez l'avocat consultant et ressortirent presque immédiatement, les mains vides. L'inspecteur principal leur laissa prendre quelque avance, puis descendit derrière eux et les suivit dans la rue. Les deux hommes s'en allaient tranquillement. Au coin de la rue Legendre, ils disparurent dans une boutique de menuisier. Despujol y pénétra à son tour. Ceux qu'il venait de filer avaient déjà le rabot à la main. L'un était le patron et l'autre son ouvrier. Le fonctionnaire, après avoir exhibé sa carte de la préfecture de police, les pressa de questions. Il apprit simplement que le matin, Pluvinard avait demandé des planches. Le menuisier n'avait jusqu'alors jamais vu ce nouveau client. L'inspecteur principal quitta la boutique et fit aux environs une petite enquête sur son propriétaire. Les renseignements recueillis furent excellents. Il se décida enfin à regagner son poste d'observation. Galichard seul s'y trouvait. « Où est Dubois ?» demanda l'inspecteur principal. Il fit un individu qui apportait de la toile d'emballage et du foin. L'inspecteur Dubois revenait justement. Le suspect n'était qu'un brave homme d'emballeur chez lequel Pluvinard était passé commander les choses en question. Bientôt les policiers entendirent un bruit de marteau. Sans doute l'agent d'affaires clouait ses planches. Les trois hommes se regardèrent. « Qu'est-ce qui va encore sortir de tout ça ?» fit le brigadier. « Rien de bon pour nous !» fit l'inspecteur principal. L'agent subalterne traduisit son inquiétude personnelle par un juron que Galichard répéta en l'additionnant de plusieurs autres. Les policiers avaient entrouvert la porte. Les coups de marteau continuaient, emplissant de leur sonorité l'appartement de Pluvinard. Soudain, la voix de l'agent d'affaires s'éleva. « Ça fait du potin !» Comme il était seul, n'ayant pas à se surveiller, son accent des bords de la Garonne vibrait, et l'avocat consultant de la rue de Lévis se mit à chantonner, en gasconnant, ce refrain rythmé par les coups de marteau. « Ça fait du potin, potin, potin, ça fait du potin, potin, potin !» Et il chantonna, et frappa plus d'une heure. Le cache-pot. Pendant que l'inspecteur principal et ses deux acolytes épiaient ainsi Pluvinard, la sonnerie du téléphone appelait dans son cabinet de travail Ferdinand Marin. « Qui est là ?» demanda l'académicien. « Moi, Xavier Tarbes. J'ai besoin de votre valet de chambre. Pouvez-vous me l'envoyer ?»« Où ?»« Chez moi. »« À l'instant. »« Merci. » »« Vous savez que la police a perquisitionné chez Pluvinard ?»« Quand ?»« Ce matin. Je viens de l'apprendre. » »« À 9 h, le chef de la sûreté et ses hommes ont saisi dans une armoire plusieurs de mes bibelots. » Mais, quelques instants plus tard, l'agent d'affaires a quitté son domicile avec une pleine valise d'autres bibelots, ceux-là même qu'il m'a vendus devant vous. La sûreté a immédiatement procédé à une nouvelle perquisition. Sans résultat, sans résultat. Bon, je compte sur votre valet de chambre. Entendu. À tout à l'heure. Et mon cache-pot, je m'en occupe. Ferdinand Marin repoussa l'appareil et sonna Louis. Le domestique se présenta. Rendez-vous immédiatement chez M. Tarbes, rue de Vaugirard. Bien, monsieur. Louis sortira. 20 minutes après, Xavier Tarbes entrait dans le cabinet de M. Marin. « Je voulais que votre valet de chambre porte à ceci, » dit-il en posant un paquet sur le bureau de l'académicien. « Il ne faut pas être aussi distrait que moi pour promener des porcelaines précieuses. Mais on m'a fait un emballage qui défie tous les chocs et je suis parti sans attendre Louis. » Ferdinand Marin coupait des ficelles, déroulait des papiers et mettait à jour son cache-pot de vieux Vincennes. « Vous avez découvert la cachette ? » s'exclama-t-il. « Presque. »« Presque ? Ah oui, il y en a plusieurs. Et vous en avez découvert une. » « Mais comment les voleurs vous ont-ils laissé ?»« Voici, » interrompit le psychologue, « un objet qui vaut bien dans les 3 000 francs. Mais comment ?»« Cette grosse valeur, » interrompit de nouveau Xavier Tarbes, « vient surtout de la rareté des anciennes porcelaines tendres de Vincennes. Mais ne vient-elle que de là ?»« Votre cache-pot est-il aussi beau qu'il est rare ?»« S'il est beau ?»« Oui, » poursuivit le professeur. « Vous le trouvez admirable, vous, collectionneur de bibelots, mais peut-être justement parce qu'il est rare. » Le marin éprouve cette même impression de beauté devant un bateau dont les formes assurent la rapidité, et le chauffeur l'éprouve devant l'automobile qui sait aller très vite. Qu'y a-t-il de vraiment beau en soi? Je veux écrire quelque chose là-dessus. Il faudrait reprendre les théories exposées par Fechner dans son fort Schule der Ästhetik et montrer que... Le parapluie du psychologue. Monsieur Tarve se tut. Son regard gris se voila. Le penseur ne savait même plus où il était. Il s'assit dans le fauteuil de Ferdinand Marin, fixa de ses yeux troubles une lettre que l'académicien avait commencé à écrire, puis ne bougea pas plus qu'un bonhomme de cire. M. Marin, qui avait la plus grande admiration pour le célèbre philosophe, se garda de le distraire. Il prit un autre siège et se mit à lire. M. Tarbes ne fut tiré de sa méditation que par la vue de Louis. Celui-ci venait dire à son maître qu'il n'avait trouvé personne chez le psychologue. « Monsieur le professeur n'avait plus besoin de vous, » répondit l'académicien. Soudain, le valet de chambre pâlit, il apercevait le cache-pot de vieux Vincennes resté sur le bureau. « Oui, Louis, » reprit l'académicien, « vous voyez, grâce à la prodigieuse subtilité de M. Tarbes, tous mes bibelots reprendront bientôt leur place, sans qu'il me faille payer leur rançon à cet horrible Pluvinard. » Louis semblait pétrifié. « Vous pouvez vous retirer, » ajouta Marin. Le domestique s'en alla, d'un pas hésitant, d'homme ivre, et s'y reprit à 2 fois pour fermer la porte sur lui. « Mais il a l'air tout drôle, » fit l'académicien. « On dirait que la vue du cache-pot lui a fait un effet extraordinaire. » Le setarf se levait et regardait sa montre. « La question, dit-il, est de savoir combien de temps durera cette émotion. » « Vous soupçonnez Louis d'avoir pris part au cambriolage ?» fit l'académicien en levant les mains au ciel. « Mais en quoi la durée de son émotion ?»« Je n'ai jamais dit que je soupçonnais Louis, coupa nettement M. Tarve. « Je vous avoue que je ne saisis pas bien, » murmura Ferdinand Marin. Quelques minutes passèrent, Xavier Tarve semblait attendre. « Je voudrais mon parapluie, » dit tout à coup le psychologue. « Il est en bas, dans le vestibule. » Ferdinand Marin, résigné à ne pas comprendre, sonna. Le valet de chambre arriva, sa démarche était ferme et son visage tranquille. « Apportez son parapluie à monsieur le professeur, » dit Ferdinand Marin. Louis sortit. « Eh bien, » reprit l'académicien, « son émotion semble en effet déjà passée. Ah ça, vous saviez donc qu'elle se produirait à la vue de mon vieux Vincennes et qu'elle serait aussi brève que vive? Vraiment, nous sommes en plein mystère et je renonce à comprendre. » Monsieur Tarve se taisait. La porte se rouvrit. Louis entra avec le fameux parapluie de coton sans lequel Xavier Tarbes ne sortait jamais. « Merci, mon ami, » dit le psychologue. Il prit le parapluie et le posa contre une chaise. Le domestique se tournait vers son maître. « Monsieur, » dit-il, « Plevinard vient d'apporter une caisse. Il est en bas. Des agents de la sûreté sont avec lui et demandent à être reçus tout de suite. « Faites monter d'abord les agents, » répondit Ferdinand Marin. « Surtout qu'on n'arrête pas Plevinard. » L'inspecteur principal des Pujols et le brigadier Galichère furent introduits dans le cabinet de l'académicien. « Monsieur, » déclara l'inspecteur principal à Ferdinand Marin, « la préfecture vous a informé qu'à deux reprises on a perquisitionné chez le nommé Prosper Plevinard et que, depuis la première perquisition, cet homme et son domicile ont été soumis à une surveillance incessante. Ces perquisitions et cette surveillance n'ont malheureusement permis de mettre la main que sur une faible partie des objets dérobés. Le dit Plevinard vous a déjà apporté plusieurs de ceux dont nous n'avons pu découvrir la cachette. Il vous en apporte maintenant d'autres. Pendant une heure, nous l'avons entendu s'agiter et clouer dans son appartement. Puis, il est allé chercher un commissionnaire et avec son aide a descendu une caisse. Mes agents et moi avons assisté, sans souffler mot, au chargement du colis sur une charrette à bras. Pouvions-nous le saisir? Oui, sans doute. Mais alors, Plevinard aurait renoncé à son trafic et vous vous en seriez pris à nous. Vous avez manifesté le désir que cet individu puisse vous vendre votre propre bien. Nous nous inclinons. Voilà, monsieur, pourquoi il vient de charroyer librement jusqu'ici un nouveau stock de choses volées, et c'est ce que je voulais vous dire. « Oui, messieurs, » répondit nerveusement l'académicien, « je tiens à ce que la canaille en question me vende mon propre bien, comme vous dites, puisque c'est pour moi la seule façon de le ravoir. Mais je ne demanderai certes pas mieux que la police me le rapportât gratuitement. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant et d'arrêter Plevinard. Et naturellement, il ne m'apporterait plus rien. Et chaque matin, je recevrai par la poste les cendres de quelques précieux autographes ou les morceaux d'un de mes objets les plus chers. Messieurs, veuillez, je vous prie, continuer à considérer Plevinard non comme le complice des cambrioleurs, mais comme un intermédiaire entre eux et moi. J'ajouterai, si cela vous fait plaisir, que cet intermédiaire a été choisi par moi et qu'il n'y a donc pas lieu de le soupçonner. Et vos consciences de policiers seront en repos, là. » L'inspecteur principal salua et, suivi de son subordonné, quitta le cabinet de travail. L'académicien sonna Louis et demanda Plevinard. « Il est là, dans l'antichambre, avec le colis que je l'ai aidé à monter, » dit le domestique. Les surprises d'un déballage. Ferdinand Marin et M. Tarve passèrent dans l'antichambre. Plevinard, armé d'un marteau et d'un ciseau, s'apprêtait à déclouer une haute et large caisse à claire-bois entre les planches de laquelle passait du foin. « Cher maître, » dit l'agent d'affaires en s'inclinant, « vous allez être content. J'ai là des meubles et des tableaux admirables. »« De grandes dimensions, en tout cas, » dit Ferdinand Marin en essayant de prendre un air détaché. « Tenez, mon ami, » continua Plevinard en tendant à Louis les outils, « commencez donc, je vous prie, pendant que je montre quelque chose à monsieur l'académicien. » Et il se dirigea vers le cabinet de travail, s'effaça pour laisser passer Ferdinand Marin et M. Tarbes, entra derrière eux et ferma la porte. « Maître, » reprit-il, « ce sont des documents inestimables. » Il tirait, d'une poche intérieure de sa redingote, des papiers jaunis par le temps. D'importantes lettres autographes de Napoléon Ier. L'historien ne put s'empêcher de tendre une main vide. « Voici, maître, voulez-vous voir s'il n'en manque aucune ? M. Marin feuilleta l'alias. « Oui, les voilà bien toutes les 12. » « En les mettant à 500 francs chacune, vous en avez pour 6 000 francs, » compta Plevinard. « 6 000 francs ?» Une discussion s'engagea. L'agent d'affaires tenait bon. M. Tarve finit par intervenir. « On réglera le tout ensemble, autographes, meubles et tableaux, » dit-il. « Allons voir où en est le déballage. » Les trois hommes repassèrent dans l'antichambre où maintenant le foin s'éparpillait de tous côtés. Louis avait déjà tiré de la caisse de meubles que l'agent d'affaires montra d'un geste oratoire en annonçant « Un chef-d'œuvre de l'art de l'ébénisterie au XVIIIe siècle, la plus jolie petite table à ouvrage en marqueterie de bois de rose que l'on ait jamais vue. » Et un souvenir historique en même temps qu'une merveille, l'armoire à bijoux d'Élisa Bonaparte. Plevinard se pencha dans la caisse et en ramena un superbe cartel Louis XVI. « Voici, continua-t-il, qui a bien aussi sa valeur. » L'académicien, avec une fébrilité dont il n'était pas maître, arracha le foin qui restait. « Mes tableaux » fit-il. « Ils n'y sont pas tous, » dit Plevinard. « Le Diaz de la Pena et le grand Fragonard seront pour demain. » Aidé par l'académicien, il sortit l'un après l'autre les tableaux en se répandant en phrases admiratives. « Voyez ces bœufs et cet âne et ce chien. On sent la chaleur de ce soleil couchant et la fraîcheur de ces grands arbres. Ah, Troyon, voilà une toile qui vaut 30 000 francs comme un sou. Et cette Venise, ah, la lumière du Zierne. Et le rosa bonheur, oh, génie !» Tout était enfin déballé. Le marchandage recommença. Plevinard demandait 50 000 francs de ce qu'il avait apporté. L'académicien se débattait, cette nouvelle saignée à sa bourse était par trop forte. « 30 000, voulez-vous 30 000? Mais c'est déjà énorme. Allons, 35 000, songez donc. » Il s'interrompit pour crier désespérément à M. Tarve et dire que je discute avec ce personnage. Le logicien, qui depuis un moment avait paru plus absorbé que jamais, venait de sourire en murmurant « C'est bien cela. » Il répondit à Ferdinand Marin « Mettez-le à la porte. »« À la porte ?» s'exclama l'académicien. « Mais vous savez bien que... »« Monsieur le professeur, » commençait de son côté Plevinard en se redressant. « Allez-vous-en, Plevinard, » interrompit tranquillement Xavier Tarbe. « Je suis le mandataire, » commença encore l'avocat consultant. « M'autorisez-vous à le faire jeter dehors ?» demanda le philosophe à Ferdinand Marin. « Et mes autres bibelots ?»« Je les remettrai moi-même, demain, à leur place. » L'académicien avait une pleine confiance en M. Tarbe. Il poussa un cri de joie. « Ah, cher ami, vous êtes admirable. Mais alors, il faut faire arrêter ce brigand. Il y a des gendarmes, que diable !» Il faisait un pas vers Plevinard, qui en faisait 3 du côté de l'escalier. « Contentez-vous de le chasser, » dit le philosophe. « Cependant, ou je ne m'en mêle plus. Soit, allons, Louis, à coup de main !» Ferdinand Marin marchait sur l'agent d'affaires, mais celui-ci ne l'attendit pas. Il attrapa l'escalier et descendit précipitamment. « Vous avez bien dit que vous-même remettriez en place le reste des choses volées ?» fit l'académicien en revenant vers M. Tarbes. « Oui, j'irai les chercher demain matin. Si vous le permettez, Louis viendra avec moi. »« Il est à vos ordres. »« Mais qu'avez-vous, Louis ?» Le valet de chambre, Blême, répondit d'une voix altérée. « Rien, monsieur. »« Cette scène l'a un peu ému, » reprit M. Tarbes. « Voulez-vous nous laisser un instant ? J'ai à lui donner quelques instructions secrètes. »« J'obéis. Dieu, quelle affaire mystérieuse !» « Je vous abandonne mon cabinet. Il faut que je fasse un tour au jardin. Ma tête est bouillante. » Et l'académicien descendait en s'éventant avec son mouchoir, tandis que Xavier Tarbes, suivi de Louis, entrait dans le cabinet. La voiture de déménagement. Le lendemain matin, de bonne heure, Louis partit. Suivant les ordres donnés, il se rendit chez M. Tarbes. Ferdinand Marin avait dit partout ce qui s'était passé. Aussi, dès l'aurore, des reporters surveillaient les abords de son hôtel. Quand l'heure approcha, ils entrèrent, s'assirent et tuèrent le temps en prenant de petites interviews aux concierges, aux domestiques et aux maîtres de la maison. Des amis arrivaient. De la porte de la rue à celle du cabinet de M. Marin régnait une animation extraordinaire. Les magistrats et les policiers n'étaient point là. Un conciliabule avait été tenu, la veille au soir, dans le cabinet du procureur de la République. « Le mieux est de faire les morts jusqu'à nouvel ordre, » avait déclaré le chef de la sûreté. « Si Tarbes révèle ce qu'il a découvert, nous pourrons alors entrer en scène et arrêter les coupables. Si au contraire il se tait, nous classons l'affaire. Les preuves de la complicité de Plevinard seraient certes bien suffisantes pour obtenir sa condamnation. Mais nous voyez-vous, en cour d'assises, Dans l'impossibilité d'indiquer les auteurs principaux du vol et la cachette des choses volées, alors que Tarbes les connaîtrait. Et les fonctionnaires avaient décidé de ne pas bouger. À 10 heures, les curieux massés rue Murillo poussèrent des acclamations. Une petite voiture de déménagement s'avançait au pas. Louis conduisait le cheval par la bride, Xavier Tarbes marchait à côté sur le trottoir. Le concierge de l'hôtel Marin, prévenu, se hâta d'ouvrir la porte cochère, et le véhicule pénétra dans la cour, faisant crier le gravier sous ses roues. La foule s'engouffra derrière lui. Les journalistes étaient au premier rang. D'aucuns prenaient des instantanés. D'autres essayaient d'ouvrir la voiture, vainement, d'ailleurs, celle-ci étant aussi bien fermée derrière que devant. Le professeur gravit les 5 marches du perron, fit face au public, son parapluie sous le bras et prononça « Mesdames, messieurs, je vous serais très obligé de vouloir bien vous retirer dans la rue. Il me faut rester quelques instants seul avec le valet de chambre de M. Marin. » Une rumeur, ponctuée d'exclamations, coupa la parole au philosophe. Celui-ci, d'un geste, refit le silence, puis continua. « Tant qu'il y aura encore quelqu'un, soit dans l'hôtel, soit dans le jardin, soit dans la cour, notre voiture restera close. Inutile d'ajouter combien je regrette cette mesure d'expulsion, absolument nécessaire, et dans laquelle je comprends non seulement les étrangers, mais les membres de la presse, les amis et les serviteurs de M. Marin et M. Marin lui-même. » La rumeur s'éleva de nouveau, plus forte. Déjà surexcitée, la curiosité venait d'être portée à son comble. Xavier Tarbes, le parapluie à la main, fit un geste ferme et large, devant lequel on recula vers la porte de la rue. La cour, peu à peu, se vida. Ferdinand Marin, au milieu d'un groupe d'amis et de reporters, qu'il dominait de sa tête aux cheveux d'argent, sortit en gesticulant. Le concierge venait le dernier. Il ferma la porte cochère, puis disparut, à son tour, par la petite porte qu'il tira sur lui. Louis cherchait partout si quelqu'un discret n'était plus caché. Il trouva, dans le fumoir, 2 journalistes qui se disputaient le fond d'une caisse à bois pour s'y blottir. Il les mena à M. Tarbes, qui poliment les mit dehors. M. Tarbes tient parole, tout en place. Bientôt des têtes apparurent au-dessus du mur séparant la cour de la rue. Les curieux se faisaient la courte échelle. Les envoyés des grands quotidiens offraient 10 louis pour une paire d'épaules robustes et complaisantes. En même temps se garnissaient les fenêtres des immeubles bâtis en face de l'hôtel Marin. Plus de 100 personnes purent ainsi voir, de loin, Xavier Tarbes et le valet de chambre ouvrir la voiture de déménagement et en extraire des caisses de toutes dimensions qu'ils portaient dans le vestibule. Après quelques minutes de va-et-vient, les 2 hommes disparurent. Au bout d'un quart d'heure, Louis revint et alla ouvrir la petite porte. « On peut entrer, » dit-il. Il y eut une poussée. « Doucement, » fit M. Marin. « Victor, » continua-t-il en s'adressant au concierge resté près de son maître. « Gardez-vous d'ouvrir la porte cochère et restez près de celle-ci. Je ne veux pas que l'hôtel soit envahi. Laissez passer seulement les personnes que vous connaissez ou qui ont une carte de journaliste. » Le concierge, dont la livrée bleue de roi à galons d'or faisait ressortir la taille et la carrure imposante, arrêta le gros de la foule, s'effaçant devant les privilégiés quand ils se présentaient. M. Marin allait à grands pas vers le perron. Ses longues jambes gravirent les 5 marches à la fois, et il courut de pièce en pièce en poussant des cris. Les personnes entrées après lui faisaient de même. Du haut en bas de l'hôtel, on s'appelait pour constater. Tout était en place, et sauf le plat à barbe, rien n'était abîmé. Meubles et bibelots étaient même aussi propres que si on ne leur avait pas fait subir ce double déménagement. Les caisses d'emballage, avec les toiles et le foin, étaient déjà rangées dans un coin du vestibule. La dernière pièce qu'inspecta Ferdinand Marin fut son cabinet. Le psychologue s'y trouvait, sous haute forme sur la tête, son parapluie sous le bras, plongé dans une profonde méditation. « Vous êtes grand comme le monde !» cria l'académicien, dont l'enthousiasme débordait en phrases historiques. « Comment reconnaîtrais-je ? » « D'un confrère et ami, je ne puis rien accepter, » dit Xavier Tarbes. « Mais votre valet de chambre a joué dans tout cela un rôle plus important que vous ne le supposez. Vous me feriez plaisir en lui donnant 1000 francs. » Le repos du psychologue. Après déjeuner, M. Tarbes alla à l'Institut Pasteur se reposer de cette matinée agitée. Il y travaillait d'ailleurs régulièrement, depuis quelques jours, avec Pierre et Ita Aubertin, aidant tour à tour le jeune homme dans ses études sur la peste et la maladie du sommeil, et la doctoresse qui préparait un mémoire sur le cancer. Le concours du philosophe leur était précieux. L'universalité de ses connaissances, l'ingéniosité de ses hypothèses, la rigueur de ses déductions, lui avait déjà plus d'une fois permis de mettre les deux jeunes gens sur la voie d'une importante découverte microbiologique. Et d'autre part, cette collaboration était également fort utile à Xavier Tarve, qui, disait-il, devait aux recherches scientifiques le meilleur de son esprit. De temps en temps, il se remettait à celle des sciences qui l'attiraient le plus, la microbiologie et l'astronomie. Sans elle, il eut craint de perdre peu à peu ses habitudes de précision intellectuelle qui faisaient de lui un des grands penseurs modernes. La sociologie et la psychologie, trop récemment détachées de la métaphysique, ont encore des méthodes incertaines et qui s'y spécialisent risquent de devenir rapidement un rêveur s'il ne l'était déjà. Pour éviter cela et conserver sa forte logique, son goût des réalités, Xavier Tarve s'assujettissait à la discipline de sciences mieux établie. En arrivant à l'institut, le professeur rencontra, au milieu du jardin, Pierre qui se rendait au pavillon de la peste. Les deux hommes entrèrent ensemble dans ce redoutable petit bâtiment où ne pénètre pas qui veut. Il y a là, au fond de bocaux, des souris blanches atteintes du mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Si les jolies bestioles, s'échappant, allaient mourir dans quelque coin ignoré, leurs cadavres seraient la proie d'autres rongeurs qui, pestiférés à leur tour, seraient bientôt également dévorés. Et d'égout en égout, le fléau se répandrait avec les rats d'un bout à l'autre de Paris. Voilà pourquoi le pavillon au nom sinistre est isolé comme une poudrière et son accès réservé aux savants dont on est sûr. Eux seuls peuvent y poursuivre ces études qui seraient les plus dangereuses s'il n'y avait celle, presque toujours mortelle, de la morve. Tous les chercheurs qui ont obtenu quelques résultats dans leurs travaux sur cette dernière maladie en sont tombés victimes. 12 ont déjà péri. Pierre Robertin causait en manipulant souris et cochon d'Inde. « À propos, dit-il, les journaux de ce matin prétendent que vous rapporterez à Ferdinand Marin ce qu'on lui a volé. C'est fait. Vous l'avez rapporté? Oui. Vous allez nous raconter ça. » Aubertin et Xavier Tarve quittèrent le pavillon et gagnèrent le bâtiment central de l'Institut. Au premier étage, Aubertin donna un coup d'œil à deux vampires sur lesquels il faisait des expériences. Les étranges animaux, accrochés à un barreau de leur cage, la tête en bas, dormaient, enveloppés dans leurs ailes membraneuses. Puis le docteur passa à la chambre des microbes. On nomme ainsi la pièce où se fait l'élevage des infiniment petits. Elle est éclairée par une ampoule électrique placée au plafond. Le long des murs courent des planches chargées de bouillons de culture. Une étouffante température de 37 degrés y règne constamment. Pierre Robertin prit entre le pouce et l'index un récipient qui, pour ses habitants, était l'univers. Il y avait des colonies de trypanosomes, ou plutôt de microbes identiques, comme forme, sinon comme effet, aux trypanosomes qui causent chez l'homme la maladie du sommeil. Les deux savants montèrent ensuite au laboratoire particulier des Aubertins. Ita, à son tour, réclama l'histoire du cambriolage. Elle et son mari étaient restés très enfants, et les récits de M. Tarve les amusaient beaucoup. Ici commence le récit de M. Tarve. Le professeur résuma les débuts de l'affaire, puis expliqua. J'ai tout de suite soupçonné le valet de chambre. Ce garçon, que Marin disait d'une santé de fer, avait les yeux battus, les joues creuses, et son air n'était pas celui de l'heureux homme qui va épouser une fille jolie, comme l'est la femme de chambre de Madame Marin. Quelque chose devait le troubler. Il avait bien la mine d'un honnête homme, et l'on me garantissait sa probité, mais à mes yeux cela ne prouvait rien, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Cependant, cette hypothèse de la complicité de Louis n'était qu'une hypothèse. Il fallait la vérifier, j'en fis une expérience. Marin m'avait dit que Lehmann possédait un vieux Vincennes identique à celui pris par les cambrioleurs. « Et c'est justement, interrompit Pierre Robertin, Lehmann qui vous avait confié votre première affaire de cambriolage. Oui. J'allais le trouver et le prier de me prêter son cache-pot. Puis, du cabinet même du banquier, je téléphonais à Marin de m'envoyer Louis, rue de Vaugirard. Et quelques minutes après, la précieuse porcelaine sous le bras, je partis pour la rue Murillo. Je pus ainsi, en l'absence de Louis, placer l'objet sur le bureau de son maître. Il ne me restait qu'à attendre le retour du valet de chambre. À la vue de ce qui paraissait être le Vincennes dérobé, il penserait que la cachette des cambrioleurs était découverte et s'il était leur complice, son émotion le trahirait. « Mais, demanda Ita, n'aurait-il pas été aussi ému en vous voyant arriver avec la porcelaine? Pourquoi vous arrangez de façon à ce qu'il fût en course quand vous la porteriez ?»« Parce que sans cela, il aura vu que je la portais du dehors. Eh bien, et c'était peut-être dans l'hôtel même que se trouvait la cachette. »« Dans l'hôtel même. s'écrirent ensemble Pierre et Ita. Un tour de passe-passe. Sans doute, j'avais, dès le premier moment, jugé la chose possible. Et comme je téléphonais à Marin de chez Lehmann, l'historien m'apprenait justement que Plévinard avait quitté, avec une valise pleine de bibelots, son appartement où l'on venait cependant de perquisitionner. Ce fait confirmait ma supposition. Il était en effet peu probable que ces objets eussent pu échapper aux investigations du chef même de la sûreté. L'agent d'affaires avait dû les prendre en route. Mais à quel moment? La police le surveillait de près, évidemment, dans l'espoir de découvrir la retraite des malfaiteurs chez lesquels il allait, supposait-on, s'approvisionner. Cette surveillance, néanmoins, avait dû se relâcher et même cesser, une fois Plévinard à l'hôtel Marin. Depuis l'instant où il avait franchi le seuil de la cour jusqu'à celui où il avait franchi le seuil du cabinet de travail, l'agent d'affaires, aidé par le valet de chambre, avait pu remplir sa valise ou, plus simplement, l'échanger en un clin d'œil contre une valise pareille et préalablement garnie. En effet, s'écria Aubertin. Lorsque Louis revint, reprit M. Tarve, il monta dire à son maître que je n'étais pas rue de Vaugirard. Il changea de couleur à la vue du cache-pot et sortit en titubant. Mais je savais que presque aussitôt une pensée lui viendrait. Si la cachette était découverte, on en aurait tiré sinon tout, du moins plus que ce seul objet. Et son premier mouvement, si la cachette n'était pas loin, serait d'y aller voir. J'attendis un peu, puis priai Marin de sonner, et Louis reparut, le visage rasséréné. J'étais fixé. L'émotion du valet de chambre m'avait prouvé qu'il était auteur ou complice du vol. La brève durée de cette émotion me prouvait qu'en un instant, il avait pu se rassurer, en constatant la présence du Vincennes dans sa cachette et que par conséquent, celle-ci était dans l'hôtel. Par exemple, le pauvre garçon dut se demander avec stupéfaction d'où venait la porcelaine que j'avais apportée, et si vraiment son maître et moi la prenions pour celle qui avait été dérobée. Afin qu'il ne soupçonnât point la raison pour laquelle je l'avais fait sonner, je le priai d'aller me chercher mon parapluie, commission bizarre qui ne pouvait qu'accroître son ahurissement. Sur ces entrefaites arriva Plévinard avec une caisse soi-disant pleine de meubles et de tableaux et qui, évidemment, ne contenait que du foin. Elle ne pouvait, bien entendu, pas être ouverte devant nous. Aussi, tandis que Louis la déclouait, l'agent d'affaires nous emmena-t-il, Marin et moi, dans le cabinet de travail de l'académicien pour vendre à celui-ci ses lettres autographes de Napoléon. Quand nous revînmes dans l'antichambre où était la caisse, Louis en avait arraché quelques planches et répandu une partie du foin. Deux meubles venaient, en apparence, d'être déballés, et les tableaux semblaient attendre leur tour de lettres. Cette petite mise en scène n'avait pas pris plus de temps qu'elle n'avait fait de bruit. La cachette, sans nul doute, touchait à l'antichambre. Je repassai en moi-même, par prudence, toutes les parties de mes raisonnements, et dès que j'arrivai à la certitude qu'ils étaient justes, je fis jeter dehors Plévinard et pris à part le valet de chambre. Le principe de la prestidigitation. Xavier Tarve s'interrompit. Ses yeux venaient de tomber sur une feuille de papier en haut de laquelle était écrit « Chapitre 9 ». « Vous avez fini le chapitre 8 » fit-il. « Ce matin, » répondit Ita. « Et la conclusion ?»« Est qu'il y a des maisons à cancer. » « Ainsi, » continua le philosophe, « la contagiosité. »« Maître, » interrompit Ita, « la fin de l'histoire. »« Je n'y pensais plus. Où en étions-nous ? » ?»« Vous veniez de chasser l'agent d'affaires et... »« Pardon. » interrompit à son tour Pierre Aubertin. « Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Les objets volés étaient cachés dans l'hôtel ? » ?»« Oui. » »« Comment se fait-il alors que la police en ait trouvé plusieurs chez Plévinard ?» Le logicien expliqua. « C'est très simple. » La première fois que Plévinard s'est présenté à l'hôtel Marin, il n'avait rien dans sa valise, et au passage, Louis lui en a donné une plaine à la place. Puis, en retraversant l'antichambre pour s'en aller, il a de nouveau fait l'échange. Le domestique avait garni la valise à portée vide et l'agent d'affaires la remporta bourrée de bibelots. Ce sont ces derniers que le chef de la sûreté dénicha au fond de l'armoire. « Je ne vois pas bien l'avantage de cette manœuvre, » dit Pierre Aubertin. « Moi non plus, » dit Ita. « Ou l'on perquisitionnerait chez Plévinard, » reprit le logicien, « ou l'on ne perquisitionnerait pas. » Dans le premier cas, la découverte, rue de Lévis, de quelques-uns des objets volés achevèrent d'égarer la police, déjà dépistée par la trouvaille du pied de fauteuil devant le 29 de la rue Jouffroy. Dans le deuxième cas, l'agent d'affaires partirait de chez lui avec une valise pleine qu'il ne serait pas obligé de changer en arrivant rue Murillo. Peu importait qu'il la changeât en arrivant ou en sortirant, sans doute. Mais il importait beaucoup qu'il ne la changeât point toujours à son arrivée ou toujours à son départ. Pluvinard voulait que la substitution s'opérât tantôt à un moment, tantôt à l'autre. Cet homme, trop remarquablement doué, appliquait d'instinct le principe de la prestigitation, obtenir de différentes manières le même résultat. Son intention était d'emporter chez lui, pour les rapporter ensuite à l'hôtel marin, une partie des objets de petite dimension, les autres devant au contraire quitter la cachette juste quelques instants avant d'être présentés à leur propriétaire. Parfaitement. C'est très fort. Mais vous avez donc étudié la prestigitation. Avec grand profit pour la psychologie. La plupart des tours classiques, tels que par exemple celui de la carte forcée, supposent moins l'adresse des doigts qu'une connaissance parfaite de l'esprit humain. Les escamoteurs sont des psychologues sans le savoir, je leur dois beaucoup. Je chassai donc Pluvinard et tirai Louis à l'écart. Le logicien, quand il n'était pas distrait, reprenait toujours le fil de ses idées avec autant d'aisance que de précision. Entre les mains de Pluvinard. Le malheureux, continua-t-il, avoua tout. Il avait été consulté Pluvinard au sujet d'une succession de 300 ou 400 francs. L'agent d'affaires le fit bavarder. Il apprit d'abord que son nouveau client avait jusqu'alors servi en province, à la campagne, d'où Ferdinand Marin venait de le ramener. Puis, qu'il allait se marier avec une jolie parisienne. Enfin, que leur gage et les quelques louis du petit héritage paraissaient bien peu de choses aux futurs époux. Pluvinard donna son avis sur l'affaire, et à ses conseils juridiques, il ajouta, à titre de prêt, 2 000 francs, pour que le fiancé pût galamment faire sa cour. Il savait que cet argent filerait vite entre les doigts d'un provincial qu'affolait à la fois Paris et l'amour. Et de fait, 2 mois après, il n'en restait à peu près rien. Louis croyait avoir du temps pour s'acquitter. Pluvinard lui mit soudain le couteau sur la gorge. Il fallait rembourser immédiatement ou être traîné en justice. Le valet de chambre se vit dans la misère et quitté par sa fiancée. Il acheva de perdre la tête, et Pluvinard le décida à voler. Louis n'eut qu'à exécuter le plan minutieusement tracé par l'agent d'affaires. Il connaissait les objets auxquels son maître tenait le plus. Une nuit, il les transporta dans la grande pièce de débarras et les mit avec les malles et les meubles de rebut déjà entassés là sous de vieux tapis. Et, sachant que jamais personne ne l'ouvrait, il ne ferma même pas à clé la porte devant laquelle chacun passait 20 fois par jour. Puis, il descendit au fumoir. Armé d'un diamant de vitrier que lui avait donné Pluvinard et d'une paire de pincettes, il coupa une vitre et tordit les persiennes. Et passant dans la cour, il rafla le mur sous la fenêtre. L'agent d'affaires, de son côté, jetait au coin de la rue Jouffroy et de la rue de Lévis un pied de fauteuil que Louis lui avait apporté quelques heures auparavant. Le matin, après que Ferdinand Marin eut donné l'alarme, comme ses gens couraient de côté et d'autre, le valet de chambre sortit et immédiatement rentra en agitant un morceau de porcelaine ramassé, prétendait-il, sur le trottoir. Il l'avait, en fait, tout simplement tiré de sa poche. La mise en scène du cambriolage était ainsi complète. Enfin, au moment même où la police commençait son enquête rue Murillo, un commissionnaire apportait à Pluvinard plusieurs gros colis. C'était l'agent d'affaires qui se les envoyait à lui-même. Ils contenaient de vieux journaux. Voilà ce que le coupable me raconta en pleurant. Monsieur Tarbes, justicier. Il n'était pas besoin de ses larmes pour m'empêcher de le livrer. Nos prisons sont choses parfaites quand il s'agit de malfaiteurs incorrigibles, profondément corrompus. Mais je les juge affreusement funestes à ceux qui pourraient s'amender. Or, je savais Louis aussi honnête, au fond, qu'il en avait l'air. Je me trouvais en présence d'un accident moral, d'une défaillance passagère et dont les causes étaient bien nettes. D'abord, ce garçon aimait, et quand on aime, le hasard fait de vous facilement un héros ou un criminel. Dès que j'avais vu, dans l'hôtel cambriolé, une soubrette et un valet de chambre de confiance, je m'étais demandé si celui-ci n'avait pas volé pour celle-là. Puis, il arrivait de la campagne, et Paris détraque beaucoup de provinciaux. Jadis, quand on n'y distribuait que de l'eau de Seine, les Parisiens la buvaient impunément. Mais nombre de nouveaux arrivés attrapaient la fièvre typhoïde. De même, aujourd'hui, les vieux habitants de la capitale, comme vous et moi, peuvent, s'ils le veulent, vivre tranquillement au milieu du prodigieux tourbillon de plaisirs et d'affaires propres à notre grande ville. Ils sont acclimatés, tandis que je ne compte plus les personnes fraîchement débarquées dont le cerveau n'y résiste pas. M. Tarbes se tut un instant, puis reprit. Quel est en pareil cas le processus psychologique? Il faudrait le déterminer. Mais, interrompit Ita Aubertin, comment ignore-t-on que les objets volés étaient dans la pièce de débarras? J'ai envoyé ce matin le valet de chambre louer une voiture de déménagement. Nous sommes passés chez un emballeur dont je connais la discrétion et qui a mis quelques simulacres de colis. Une heure après, notre véhicule faisait son entrée rue Murillo. Tout le monde, sur mon ordre, quittait l'hôtel. Et en 10 minutes, les pseudo-colis éventrés, Louis remettait les objets là où, 5 jours auparavant, il les avait pris. « Ça lui fera un drôle d'effet, » dit Pierre, « quand il les époustera. » « Il ne les époustera pas longtemps, » repartit le philosophe. « Il prend demain le paquebot de Madagascar. La dure vie de colon paiera sa faute. Il est intelligent, écrira quelque entreprise. » Marin m'a donné pour lui 10 000 francs, le prix de mon intervention. Pierre et Ita se regardèrent, puis ils prirent chacun une main du professeur, et la jeune femme lui dit affectueusement « Très bien, maître. » Xavier Tarbes eut un léger sourire, extrêmement doux, redevint impassible, et alla prendre sur la table du docteur une éprouvette à moitié pleine. « Quant à Pluvinard, dit-il, je ne pouvais le faire arrêter sans perdre son complice. Mais c'est un homme actif, il montra bientôt quelque autre mauvais coup. » Et cette fois, je ne le raterai point. En attendant mes enfants, il faut que je porte ceci à la chambre des microbes. J'y vais, offrit Pierre. Non pas, à chacun sa besogne. Le professeur sortit. Un quart d'heure après, Ita alla chercher pour son mari la cage des vampires. Celle-ci était dans le grand laboratoire au coin duquel se trouve la porte de la chambre des microbes. Un élève de l'institut, assis devant une fenêtre, était penché sur un microscope. « Vous n'avez pas vu M. Tarbes ?» lui demanda Ita en prenant la cage. « Si, il y a un instant, mais je ne sais pas où il est passé. » La jeune femme eut soudain un soupçon. Et elle posa la prison des deux rats géants et ailés et se dirigea vers le cabinet où chauffaient les bouillons de culture. « Ah ! » s'écria-t-elle en ouvrant la porte. M. Tarbes était là, debout, au milieu de la chambre des microbes, son éprouvette à la main. Il méditait depuis 15 minutes sur le cas de ces provinciaux qu'affole Paris. Le thermomètre accroché en face de lui marquait les 37 degrés réglementaires. Au cri d'Ita, le professeur sursauta, puis sourit. « Je tiens mon processus psychologique, » dit-il en essuyant machinalement d'un revers de main son front trempé de sueur. Ainsi s'achève l'académicien cambriolé par Frédéric Mauzins.